vendredi 20 janvier. Bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10 heures. Ce matin, on parle, on a un sujet qui est délicat, un peu comme à toutes les semaines ou à peu près, dans le sens où est-ce que Les Différents, vous le savez, on parle de gens qui sont exclus. On parle de préjugés, on parle de différences, c'est sûr et certain. Et ce matin, on parle des proches aidants. Et puis, ce qui m'a amené à cette question-là, c'est que j'ai été proche aidante et je ne le savais pas à une période de ma vie. Et puis, en fouillant les différents articles, les différentes ressources qui ont rapport à ça, je me suis dit... Je suis peut-être pas la seule qui se posait, qui a appris après coup qu'on était proche aidant. Et puis, il y a un article dans le Journal de Montréal, probablement Journal de Québec aussi, les deux sont liés, hein, où est-ce qu'on parle, la semaine passée, il y avait un article, en date du 15 janvier en fait, sans revenu depuis un an en raison d'un cancer. Et puis, on parle de l'histoire de Jonathan Collin, qui est le conjoint de Cathy Gaudreau, qui, elle, a un cancer qui a été déclaré il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quand même un an ou deux. Et puis, suite à ça, lui, comme il a 42 ans, ne peut pas avoir d'aide financière. Donc, lui, obligatoirement, il faut qu'il travaille. C'est sûr et certain que lui espère rester passer du temps en fait avec sa conjointe pour pouvoir l'aider vu sa situation et puis le nombre de temps qui lui reste à vivre aussi. Et puis ça me fait poser aussi la question quand on veut être un proche aidant, puis là c'est la conjointe, puis que ce soit un parent ou que ce soit un enfant, c'est la même situation dans le sens où est-ce que on veut aider, on veut être là pour nos proches, on n'est pas insensible. Et puis l'aide qui arrive des gouvernements ou tout ça, il n'y en a pas tellement. Et puis ce matin, pour nous en parler, j'ai Madame Suzanne Girard de l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale et Monsieur Gérard Jobin, qui est un proche aidant. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les proches aidants qui nous écoutent. J'aimerais ça parler en commençant. On va parler des proches aidants pendant toute l'heure, ça c'est sûr et certain. Mais je savais pas qu'il y avait une association des proches aidants. Qu'est-ce que c'est que l'association des proches aidants? Je vais commencer d'abord par vous dire que cette année, on fête notre 10e anniversaire. Alors, c'est une association qui a été développée par rapport au... pour venir... rencontrer les besoins des proches aidants parce que maintenant, notre société, le contexte de la société, le vieillissement de la population, on sait qu'on est le deuxième pays au monde où il y a le plus d'aînés, ça nous force à développer des associations pour répondre aux besoins des proches aidants parce que tout se passe majoritairement maintenant selon la volonté des proches aidants et de tout le monde en général. On veut vivre à domicile, on veut être malade, rester à domicile et on veut recevoir les soins palliatifs pour mourir à domicile. C'est clair comme ça. On veut garder notre dignité aussi. Exact. Et on se sent davantage, on maintient notre autonomie même si on est très malade, si on n'est pas dérangé de notre milieu. Mm-hmm. Parce que ça, les statistiques le démontrent très bien. Prenez juste l'exemple de quelqu'un qui, comme... en urgence est transportée à l'hôpital pour un 24-48 heures. Elle subit un choc, elle regresse. Je dis pas à 20 ans que ça se passe comme ça, mais plus tu avances en âge, plus cette menace-là est évidente et elle s'applique très bien. Mais on le voit aussi. On le voit aussi avec des jeunes de 35-40 ans. Absolument. Qui vont être en CHSLD, par exemple, qui veulent juste être chez eux. Encore dernièrement, on voyait un reportage là-dessus. Le problème actuellement au Québec, c'est, mais à force de le demander, on sent que ça avance aussi tranquillement, comme d'autres sociétés qui ont plus d'avance que nous, et je reviens à notre association, et c'est le modèle, je dirais, qui devrait être développé plus largement, et c'est d'offrir, nous sommes là pour offrir des services qui permettent qui permettent ces services-là aux proches aidants qui a soin d'un proche ou d'un ami de recevoir de l'aide et de ne pas s'épuiser. Et j'ajouterais d'avoir de l'aide à temps, de manière à éviter de lui-même tomber malade mm-hmm. et de lui-même décéder avant l'aider. Oui. C'est le portrait type actuellement dans le Québec, là. Ça, on va en parler un peu plus tard de la situation des aidants, de leur état de santé, leur situation oui. professionnelle. Pour l'association, en fait, vous, il n'y a pas un type de clientèle que vous avez en particulier. Non. Vous, vous aidez vraiment parce que en fouillant un peu sur le site 211, où est-ce qu'on a le répertoire de tous les organismes communautaires. On peut les voir, on peut trouver ça même en passant si les auditeurs veulent aller voir sur le site. Vous avez juste à taper 211, vous avez tous les organismes. Et quand on fait une recherche proche aidant, à ce niveau-là, il y a différents organismes où est-ce que on va parler, par exemple, il y a la boussole sur la 3e avenue, que aide vont aider au niveau des proches aidants pour ce qui est de la santé mentale. Il y a vraiment différents départements. Un type de malade en particulier. Exactement. Et vous, vous allez vraiment englober tout oui. ça. Ce qui est particulier, c'est on offre des services sans exclusion. Tout le monde est inclus. À toutes les personnes, quel que soit l'âge, quelle que soit la maladie. Et est-ce que je peux me permettre de donner un exemple de service d'ailleurs? Oui. Nous offrons actuellement, il y a eu des recherches qui ont été faites pour connaître les besoins des proches aidants. En 2006, Mme Marguerite Blais avait fait le tour de la province et il était ressorti que le répit, le soutien psychosocial, les besoins d'information ressortaient. En 2010 jusqu'en 2012, avec l'appui de la nationale et de la capitale, avec l'Université de Sherbrooke, la même démarche a été faite. Mm-hmm. Ce qui ressort, le premier besoin, là, le véhicule du proche aidant pour lui permettre de survivre, c'est le répit. Ouais, hein. Le répit à domicile qui permet au proche aidant de prendre de l'air, de reprendre son souffle, d'être remplacé quand tu as besoin d'aller ailleurs, d'avoir du soutien de manière à ne pas s'épuiser et d'assumer son engagement jusqu'à la fin, mm-hmm. sans devenir malade et mourir avant l'aider. Ensuite, ce que nous offrons comme service, ce service-là, nous l'offrons, le répit avec les sous. Comme là, on vient d'avoir une subvention de 100 000 $ pour la 5e année de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Mm-hmm. Et je dois dire, on est un OSBL. Hein? Oui. Moi, je travaille bénévolement. Le 100 000 $ est donné entièrement en répit. Et on travaille également avec l'appui de la capitale nationale, les entreprises d'économie sociale, pour du répit auprès des aînés qui ont la maladie, des maladies cognitives particulièrement. Oui. Donc, on parle, ça peut être Alzheimer, ça peut oui, être... Oui, ou les maladies apparentées. Oui. Tandis que, sans exclusion, c'est toute maladie confondue, AVC, diabète, paralysie, toutes les maladies possibles, cancer. Vous aidez aussi au niveau des parents? Absolument. Qui ont des enfants, par exemple, les enfants malades? Je vous dirais de 0 à 110 ans. Oui, hein? Oui, parce que l'espérance de vie s'allonge. Et je voudrais aussi, je veux quand même aller assez brièvement, nous sommes aussi accrédités par le ministère de la Famille et des Aînés pour offrir le service de surveillance téléphonique auprès des personnes qui vivent seules ou des personnes qui se disent vulnérables. Mm-hmm. Tout est gratuit chez nous, là. Tout est gratuit. C'est oui, bon on est un OSBL, alors chez nous, tout est gratuit. Alors, ce service-là, tous les jours, comme là, cette heure-ci, il y a les répartiteurs, il y a au moins 300 appels qui se font régulièrement pour... ça sauve des vies. Mm-hmm. Ensuite, dans ce service-là, le porte-parole... Ce qui arrive, c'est qu'on appelle les gens? Oui. Comment ça fonctionne? Exemple, les gens s'abonnent, s'inscrivent, ils veulent être appelés, supposons, 10h30. À 10h30, elle va recevoir 3 appels à 8 minutes d'intervalle si elle ne répond pas au premier. OK. On leur dit, courez pas, puis allez pas vous fracasser une hanche là, pour répondre au premier appel. Et si une personne ne répond pas, ce qui se passe, c'est qu'elle a des répondants. On essaie de la rejoindre, soit par cellulaire, ça ne répond pas, on appelle le répondant. Un répondant va généralement aller voir et ça se peut que la personne soit simplement partie sans nous aviser, mais ça se peut, comme c'est arrivé, qu'on a trouvé une madame, là, que ça faisait 4 heures qu'elle était tombée en bas de son lit. Et c'est dans la province, ça sauve des vies. Oui. Le but, c'est que les gens vivent à domicile avec plus de sécurité et le plus longtemps possible. Et comme c'est gratuit, ben les gens ont plus accès facilement à ça. On sait qu'il y a d'autres moyens. Il y a des bracelets financiers, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde capable de se payer ces autres services-là. Ça n'exclut pas les autres services. Mm-hmm. Ça s'ajoute aux autres services. Et le service de surveillance téléphonique, on a beaucoup d'aide de la part des intervenants du CIUSSS, dans le sens que c'est le rappel de prise de médicaments. Il n'y a pas d'alerte à ça. Okay. Le téléphone sonne, c'est Michel Louvain qui a le petit message. Prenez votre médicament, Madame Tremblay, il est 10 heures, c'est le temps. On ne dit pas la sorte. Donc, il y a un message préenregistré de Michel Louvain absolument. Qui vous appelle pour vous dire, prenez votre médicament. Oui, ensuite, faire de l'exercice, c'est lui-même aussi qui fait le message, et de bien s'alimenter, parce que vous savez que beaucoup de personnes, quand on vit seul, c'est le danger d'être dénutri, hein? Et c'est démontré que beaucoup d'aînés arrivent à l'hôpital là, en état de dénutrition, n'est-ce pas, Gérard? Oui. Alors, voilà, parce que Gérard a vécu cette problématique-là. Alors, tu peux en parler un peu, là. Bien, c'est ça, Monsieur Jobin. Vous êtes proche aidant. Votre situation, en fait, ce que c'est... Vous pouvez en parler mieux que moi, là. Bien, c'est mon épouse qui fait du diabète. Okay. Ensuite de ça, comme on dit, elle a des artères bouchées en plus. Ça fait que tout le système est engendré là-dedans. Là. Fait que ce qui arrive, c'est que ça emmène un paquet de rendez-vous avec les hôpitaux puis les médecins. Mm-hmm. Fait que nos sorties de loisirs, c'est les hôpitaux. Et puis ça en fait combien, admettons, par un mois typique? Par semaine. OK, on peut y aller par semaine. Cette semaine, ça a été une fois à l'hôpital Laval, puis une fois à l'hôpital Saint-Sacrement. Puis vous êtes pas du quartier, vous êtes non, pas non, de nous Québec. Non, nous autres, on est de la région de Portneuf. Parce que l'association dessert aussi Portneuf. Oui, c'est particulier, j'aurais dû le dire au début. Nous sommes régionales. Nous couvrons tout le territoire de la capitale nationale. OK. Donc, c'est de Charlevoix, Portneuf, Québec-Nord, Québec, la ville de Québec en entier. D'accord. Donc là, vous parlez que c'est 1-2 rendez-vous. Admettons, cette semaine, vous venez de me dire, il y avait 2 rendez-vous. On avait 2 rendez-vous, puis hier, on a reçu d'autres téléphones. Encore pour d'autres rendez-vous, déjà pour le mois de mars. Pour le mois de mars. Donc là, c'est des visites à chaque fois? Ah oui, ça, c'est des frais additionnels, là. C'est des frais. Faut pas oublier ça, là. Hein. Parce que mon véhicule, il marche pas. J'ai beau me mettre à genoux pour prier, il avance non, pas tout seul. Il avance pas tout seul, il a besoin d'essence. Quand j'arrive à la station de service, il dit paye, hein? Oui. Ça fait que, comme on dit, en étant à la campagne, les frais sont beaucoup plus énormes que ceux de la ville. Parce qu'il n'y a pas ces services-là à Portneuf. J'aimerais ça savoir. Les services que votre épouse elle a besoin, il n'y a pas ces services-là dans votre secteur? Non, parce que là, comme on dit, là, on va avoir un rendez-vous là, pour une quinzaine de jours, probablement à l'Hôtel Dieu, là, au pavillon Carlton-Auger, là, pour recevoir des traitements en radio pour ses yeux. Parce qu'elle a des problèmes avec ses yeux aussi à cause du diabète, là. Fait que tout ça, là, ça engendre un paquet de dépenses. Comme on dit, parce que quand on part le matin pour l'hôpital, on sait quand est-ce qu'on rentre, mais on sait pas quand est-ce qu'on sort. Ben non. Donc là, on parle autant de l'essence parce que vous vous déplacez. On parle autant, les repas. Les ça veut pas dire que vous apportez quelque chose. Les stationnements d'hôpitaux qui sont assez dispendieux aussi. Les repas, parce que, comme on dit, en faisant du diabète, il faut qu'elle mange à des heures assez fixes. C'est précis. Puis ça, c'est sans compter les médicaments qui viennent avec. J'aimerais ça, avant qu'on aille plus loin dans ce que vous faites pour votre conjointe, qu'on puisse parler du qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant. Là, on voit, vous vous déplacez avec elle, par exemple, dans les hôpitaux, les rendez-vous médicaux, tout ça. Qu'est-ce que c'est que la définition d'un proche aidant, Mme Girard? Je peux la reprendre. Oui. la définition d'un proche aidant officielle, celle de qu'on utilise partout ici au Québec, elle vient du ministère de la Santé, c'est un proche aidant, ça désigne toute personne de l'entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel à titre non professionnel. Moi, je suis infirmière, j'ai agi de manière non professionnelle, c'est une manière de parler, là, mm-hmm. mais ce qui est particulier à une personne ayant une incapacité, il peut s'agir d'un membre de la famille et c'est bénévolement. Oui. En tout cas, dans les années actuelles au Québec, la définition est ainsi. Présentement, c'est bénévole. Et dès que tu reçois des sous, je ne parle pas des crédits d'impôt, ça c'est autre chose. Mais si tu reçois un salaire pour avoir soin de quelqu'un, tu n'entres plus dans la définition. Alors Gérard, comme moi je l'ai été, comme vous, vous l'avez été, puis vous m'avez parlé que vos parents aussi ont besoin un peu des fois, ou comme la plupart des gens, on sait que la majorité des aidants ont entre 45 et 56 ans. Alors, ils commencent à avoir soin un peu, de leur donner de l'aide un peu à leurs parents. Gérard est le modèle type d'un proche aidant. Oui, hein. Puis, je lisais dans un article de Radio-Canada où est-ce qu'on parlait, justement, on avait un gros dossier là-dessus. Même, je vais mettre le lien sur la page, les différents de cet article-là, où est-ce qu'on parlait que la majorité, quand on rencontrait des gens en atelier, en conférence, il n'y avait pas grand monde au début qui levait la main quand on demandait « Est-ce que vous êtes un proche aidant? » Et plus la conversation, plus la conférence allait, et à la fin, on se rendait compte qu'il y avait une grande majorité. Là, il y avait beaucoup plus de mains. Pratiquement toutes les mains étaient levées. Les gens ont de la difficulté on s'occupe de notre père, on s'occupe de notre mère, nos enfants, notre conjoint. On a de la difficulté à se dire, je suis un proche aidant. On ne veut pas se mettre dans cette case-là. On est là naturellement. Est-ce que c'est là ou est-ce qu'il y a une difficulté à comprendre? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons à ça. Ce que vous exprimez, c'est juste. Mais moi, je vous dirais... Il y a aussi une certaine gêne qui existe encore dans certains secteurs de la province, disons ça comme ça. Mm-hmm. Et moi, pour l'avoir vécu, et puis je n'étais pas la seule, là 8-10 ans, c'est pas si loin, là. Les derniers temps, c'était différent. Jamais j'aurais dit que j'étais aidante. C'était comme gênant de dire qu'on était... Je sais pas. Ce n'était pas considéré comme aujourd'hui un rôle valorisé. On commence à valoriser ce rôle-là. Vous savez, l'image que la société nous reflète, là, elle est importante. Hein? Oui. Et là, d'être proche aidant, là, il y a 8-10 ans, ici, dans le coin de la capitale nationale, c'était pas très valorisant. Je ne le disais pas moi-même alors que j'étais déjà à la fondation de l'Association des proches aidants. Mais il y a aussi un autre facteur. Aujourd'hui, c'est différent parce que c'est plus attractif, ça a un sens, c'est plus valorisant. La perception des autres change. Et ça, c'est ce miroir-là, il est très important. Maintenant, il y a aussi le fait que, par atavisme, on dirait que c'est normal qu'on s'occupe des autres, surtout les femmes, je dirais, même si ça tend à changer un peu. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, d'être proche aidant, c'est suffisamment... Quand on va dans une salle où on parle de cette situation-là, c'est que les proches aidants... admettent aussi, se reconnaissent, ça leur permet de se reconnaître. Mm-hmm. Et c'est pas, ça vient pas tout de suite, ça, c'est pas comme aller porter son curriculum quelque part, c'est pas carrière qu'on prévoit. C'est ça, on n'applique pas à ce poste-là. On n'applique pas, ça nous arrive comme ça, et souvent, ça fait déjà un an ou deux qu'on est là-dedans, et là, on s'aperçoit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment en train d'aider quelqu'un réellement. La situation devient tellement lourde que ça nous force à se questionner sur ce que l'on vit. Et quand je voudrais apporter aussi, puisqu'on parle de l'aidant, de son rôle, c'est, vous savez, il est la structure portante du réseau de la santé, l'aidant, au Québec. Il est reconnu comme ça, c'est pas moi qui le dis, dans toutes les statistiques, c'est comme ça. Pour quelle raison? Parce que il assume au-delà de 80% des soins à domicile. Les soins vraiment là complexes. À ce moment-là, on a l'aide des CLSC parce qu'eux aussi ont énormément d'ouvrages. Alors, on travaille étroitement avec le réseau de la santé pour cette raison-là, c'est bien évident. Mais les CLSC sont débordés aussi. Là, aussi. Tout ce qu'on entend par rapport au système de santé. Monsieur Jobin, vous, ça fait combien d'années que vous êtes proche aidant, que vous savez que vous êtes proche aidant, en fait? Bien, ça fait tout près de 10 ans que la Fondation existe. Mais je dirais que j'étais proche aidant bien avant ça. Oui. Hein? Je dirais que ça fait au moins 40 ans. Parce que j'ai eu la chance, on peut appeler ça de même la chance, disons, peut-être que d'autres n'ont pas eu de le vivre d'une façon profonde face à deux épouses. Ma première épouse qui est décédée, elle, j'en ai eu soin. Ma deuxième que j'ai mariée, elle aussi, elle était malade, puis elle est encore malade. Ça fait que ça s'enchaîne tout ça, là. Puis, comment je dirais bien ça, il y a mille et un facteurs qui rentrent en ligne de compte dans ça. C'est que les gens, d'abord, la maladie fait peur. La maladie éloigne. Ça fait qu'à un moment donné, L'entourage. L'entourage s'éloigne, c'est ce que vous dites. C'est ça. OK. Fait qu'à un moment donné, vous vous ramassez de plus en plus tout seul. Hein? Puis quand vous demandez de l'aide, ça prend une éternité avant d'avoir des réponses. Quand vous parlez d'aide, vous parlez des gens autour ou au niveau du système de santé en général? Au niveau du... Si on parle de vous, de votre histoire. Du système de santé. Si on demande de l'aide, okay. On ne veut pas l'heure d'avoir des réponses. Ça prend énormément de temps. Puis quand on a les réponses, il est trop tard. C'est pas compliqué. Après ça, au point de vue finance, comme on dit, c'est pas par la maladie qu'on devient riche. Hein? Non. Les gouvernements pensent à... moi, j'ai réalisé cette semaine que le gouvernement avait réalisé qu'il y avait juste deux catégories de gens. Les riches puis la classe moyenne. Mais les pauvres, ils ont oublié. Ça fait que quand on vit une situation dans ce genre-là, comme on dit, il y a toujours mille et un facteurs qui arrivent, qui a des dépenses imprévues dans ça, au point de vue de déplacement, au point de vue d'adaptation. Si on prend, par exemple, avec des accessoires que ça prend dans les résidences pour avoir soin de nos personnes, c'est tous des frais additionnels, ça encore. Hein? Puis quand ils arrivent avec les crédits d'impôt... C'est ça, je vais en parler, justement. Les crédits d'impôt, pour moi, personnellement, moi, ça me révolte, pour la simple raison que c'est encore un avantage pour les riches. OK. Parce que c'est comment, c'est ce qui me donnerait 100 000 piastres de crédit d'impôt. Si j'ai pas gagné une scène dans l'année parce que j'ai la pension de vieillesse plus le supplément garanti, ça me donne pas une scène de plus, moi, là, pour être capable de nourrir mon épouse puis de prendre soin d'elle, là. Oui. Puis même vous, de vous nourrir aussi. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi les crédits d'impôt à ce niveau-là? Oui. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'aimerais ça comprendre ce que M. Jobin explique. Bien, par rapport aux crédits d'impôt, justement, chez nous aussi, je vais le dire avant, là, chez nous, on a une personne qui est formée, qui répond à toutes ces questions-là, puis on a des conférences, on a une conférence, c'est le 25, je crois, là, sur les crédits d'impôt. C'est que ça prend un certain revenu au provincial et au fédéral pour, si tu es aidant, mais c'est beaucoup, faut être aidant d'aîné. D'aînés seulement? Donc, il y a beaucoup, la grosse tranche de crédit d'impôt. Ouais. Je veux. L'histoire que je parlais au début de M. Colin, qui est 42 ans, s'occupe de sa femme de 39 ans, il n'a pas droit à ce crédit d'impôt. Non, parce que il va avoir. Le crédit qu'il peut avoir, c'est que dans le rapport d'impôt, toute personne qui a une incapacité définitive, le médecin peut déclarer cette incapacité, là, il va avoir un crédit là, qui va arriver dans le rapport d'impôt. On peut l'intégrer dans le rapport d'impôt. Mais un crédit d'impôt substantiel qui aide un peu, c'est beaucoup chez les aînés. Le crédit d'impôt est destiné aux aînés. Alors, pour les gens qui sont il y a quand même chez les enfants, il y a quand même une organisation, il y a de l'aide tout de même. Mais les gens qui ont certaines, qui sont aux prises avec l'âge et certaines maladies, qui sont en milieu de vie aux prises avec certaines maladies, je n'en connais pas. Alors, il s'agit d'appeler à Revenu Québec et il y a peu de crédits d'impôt actuellement. Ouais. C'est la raison pour laquelle c'est important au moins, s'ils n'ont pas le crédit d'impôt, qu'on puisse leur fournir l'aide possible, le répit, le soutien psychosocial, le transport. Même si c'est pas financier, au moins ça peut aider. Ça devient financier. Si ça c'est devient le transport, financier. Oui. On va s'arrêter le temps d'une pause et puis j'aimerais ça revenir. Vous m'avez parlé quelque chose en pré-entrevue qui s'appelle les 10 jours de compassion. Oui. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que c'est, puis on va continuer aussi avec le côté crédit d'impôt, aide financière et aide en général. Oui. Donc, on revient tout de suite après la pause. On est de retour à l'émission Les Différents, Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Il nous reste une belle demi-heure à passer avec Madame Girard et Monsieur Jobin. Madame Girard de l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale et Monsieur Jobin qui est un proche aidant. Et c'est le sujet ce matin. On parlait avant la pause un petit peu des crédits d'impôt, de ce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Aussitôt qu'on n'entre pas dans la catégorie des aînés quand on parle de l'âge adulte. Au niveau des enfants, il y a un petit peu d'aide, de ce que j'ai compris, mais quand on parle qu'on est dans la trentaine, quarantaine, il n'y a pas vraiment d'aide. Ça revient à l'histoire que je parlais en introduction, comme quoi que même le conjoint de la dame, M. Collin, qu'on voyait dans le journal de Montréal, que lui avait même pas droit à l'aide sociale parce qu'il était considéré apte à l'emploi. Mais lui, il a pas envie de laisser sa conjointe toute seule la journée, tout ça. Puis il y a des enfants aussi au travers de ça. Donc, il devient vraiment le soutien à 80-90% de la famille, là. On parlait des aides. Je veux parler des 10 jours de compassion. Ça, vous m'en avez parlé. J'aimerais ça comprendre. Qu'est-ce que c'est? Actuellement, je vais aborder le... Actuellement, dans les provinces, puis je vais revenir sur les 10 jours de compassion, là. Au fédéral, quand il y a eu la campagne électorale avec M. Trudeau, actuellement, si une personne qui est au travail demande un congé, elle va obtenir ce congé à la condition que le médecin, il y a un temps. Il faut que le médecin soit capable de signer que la personne malade va décéder. Je blague un peu en disant à telle heure, tel jour, mais c'est à peu près ça. Et qu'il y a une date le plus précise possible. Est-ce qu'on possible, est capable là. De dire qu'on va mourir le 3 février? J'espère que non, là. Mais non, on le souhaite mais, pas. Mais on le souhaite pas. Alors... Le fédéral, je sais qu'il y a des travaux actuellement là-dessus au niveau des gouvernements pour que ça s'harmonise, qu'il y ait une convergence entre le fédéral et les provinces. Le fédéral, actuellement, c'était 12 semaines que la personne pouvait réclamer comme temps de congés pris sporadiquement. Mm-hmm. Mais le fédéral a proposé le 26 semaines, mais il n'a pas enlevé la clause que c'est à telle heure, telle date qu'on va mourir, là. OK. Alors, c'est là-dessus qu'il y a des travaux qui se font, de manière à ce que les employeurs, quand ça sera harmonisé, qu'il y aura une convergence entre le fédéral et les provinces, ben les employeurs vont être, s'ils veulent garder leur personnel, là, qualifié, ils vont faire en sorte de respecter cette loi-là. Mm-hmm. Il y a aussi actuellement des congés, comme vous dites, de compassion, il y en a des organismes qui les paient, ça peut aller jusqu'à 7-10 jours. Il y a des organismes qui les offrent sans les payer. Mm-hmm. Il y a des entreprises qui les offrent, il y a des entreprises qui ne les offrent pas. Mais quand on voit la rareté, comment c'est difficile de garder son personnel, Puis quand pour ton entreprise, le personnel, c'est très important, je crois que tranquillement, dans le temps, il y a un travail. Il y a un travail qui se fait actuellement. Je crois que d'ici quelques années, ça va être réglé, ce problème-là, les congés, le 12 semaines qui va passer à 26 oui. ou 27 semaines, en n'ayant pas pour le médecin l'obligation de dire que la personne va mourir à minuit tel jour, là. Il n'y a aucun médecin qui a envie Mais absolument. Il ne doit pas en avoir beaucoup, en tout cas, qui a envie de signer ce papier-là, de dire, évident. Il reste tant de temps. C'est évident. Et ça touche les congés parce que, vous savez, je redis que la majorité des aidants, même s'il y a beaucoup d'aînés qui sont aidants, la majorité sont au travail actuellement. Mm-hmm. Alors, quand tu es au travail, tu es en plein milieu de carrière avec des enfants, avec un conjoint, une conjointe, des parents ou une grand-mère, en tout cas, ou des amis qui sont malades, les aidants ont une situation extrêmement lourde, tellement lourde que souvent, puis c'est ça que je vous disais tout à l'heure, ça peut les conduire à la maladie. Et je dirais, ça dépend aussi, la lourdeur de l'aide va dans le sens aussi de quelle est la maladie de ton proche. Mm-hmm. C'est démontrer que si ton proche ou ta proche personne a une maladie cognitive, là, en tout cas, je peux vous dire que le vide se fait rapidement autour de toi. Ouais. C'est démontrer que la personne aidante vit davantage de stress et d'isolement. Les amis, là, fuient. Le vide se fait autour de toi. Mm-hmm. Je ne suis pas la seule à le dire, on le vit ça. Et les statistiques le démontrent également. Puis aussi, pour le proche aidant, qu'est-ce qui le touche davantage? On n'en parlait pas beaucoup avant, mais maintenant je le dis quand je rencontre des groupes, c'est les changements dans les rôles. Vous n'avez pas idée de l'effet que ça fait quand vous êtes seul avec votre conjoint, que tous les amis ont fui, puis la famille aussi, et il te prend pour sa cousine ou pour son cousin, ou pour il ne te reconnaît plus, ou elle ne te reconnaît plus. On n'a pas alors, le même rôle. Alors, l'isolement, les changements de rôle, tu deviens souvent le parent de ton parent, le parent de ton conjoint, mm-hmm. et les rôles sont inversés de toutes les manières possibles. Mm-hmm. Ça peut conduire, ça affecte tranquillement la santé proches aidants. La santé des proches aidants est affectée de toutes les façons. Psychologiquement. Qu'est-ce que vous voyez, admettons, ou qu'est-ce que vous vivez? Tout dépend. La santé, est-ce que ça devient précaire à un moment donné? Là? Est-ce que nous-mêmes, on se pose des questions? Que l'épuisement mène au stress. Le stress mène à l'hypertension. Souvent, la personne ne mange plus bien. Et souvent, la personne est déjà prise avec un diabète de type 2. C'est toutes les petites maladies liées au vieillissement ou liées à une surcharge de tâches. Le stress crée bien des ravages, vous comprenez? Mm-hmm. Ou encore la détresse sur le plan psychologique. Ouais. Nous, on offre aussi, grâce à l'appui, on a un budget pour recevoir les gens. Quand on offre du répit, un deuxième service qui vient presque automatiquement, c'est des rencontres. Ce sont des rencontres qu'on appelle de soutien psychosocial, mm-hmm. pour que la personne puisse revoir son engagement, être écoutée par une personne neutre. Ça fait par qui, ça? C'est nous. C'est on a des intervenantes qualifiées. Mm-hmm. Le budget nous est offert par l'appui de la Capitale-Nationale. Mm-hmm. Et ça nous permet, ça je vous dirais, là, ça aussi, ça sauve des vies parallèlement, là. C'est tout comme le programme de surveillance téléphonique, pratiquement. Est-ce que c'est à domicile, ces aides-là, ou non? Okay. Ça, les intervenants, les travailleuses, ce sont des travailleuses sociales qualifiées. Les gens se rendent, on a un local dans nos bureaux, ou dans Portneuf, elle peut se rendre à domicile. Mm-hmm. Parfois, on se rend à domicile, mais la majorité des rencontres sont dans les locaux, soit à Portneuf ou encore dans nos locaux. Le proche aidant vient rencontrer. Parfois, il y a des familles entières qui viennent rencontrer notre intervenante. Okay. Parce que ces cinq filles aux prises avec la maladie de leurs parents, ils ne savent plus quel bord prendre. Mm-hmm. Puis souvent, en famille, on ne s'aide pas tellement au niveau des, on n'a pas la meilleure écoute, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, je peux imaginer des fois. Puis ça, le fait d'avoir les deux pieds dedans aussi, dans la situation. Ah non. On n'a pas le recul de quelqu'un qui est extérieur. Parce que je regardais aussi au niveau CLSC, il y a des temps d'attente quand on veut voir, quand on veut rencontrer une travailleuse sociale. Tout dépend. Peut-être dans Portneuf, c'est plus court. C'est le temps évident d'attente. Que je dirais que nous, la force d'une association comme nous, on n'est pas structuré comme le réseau de la santé qui ont les soins extrêmement complexes, les soins de base. On vient en aide. On fait partie du réseau de la santé. Alors, mm-hmm. nous, le temps d'attente, il est à peu près d'une semaine. C'est rapide. C'est très rapide. Si c'est très urgent, ça peut être une journée ou deux. Oui, parce que des fois, pour certains services, ça peut être 6 mois, 1 an qu'on peut attendre. Si c'est pas plus, même. Et plus. Oui, ben vous êtes les deux pieds dedans, vous le savez. Oui, c'est ça. Je dis que le soutien psychosocial est tellement important. Ça permet à la personne, je le vois là, de revoir sa manière souvent de penser, de se restructurer et de poursuivre son engagement là. Il n'y a pas seulement l'avenue relocalisation qui est devant elle. Oui, parce que ça, c'est quelque chose. Même Monsieur Jobin, vous êtes tranquille ce matin. Vous écoutez beaucoup. Ou c'est moi qui parle trop. Je veux vous entendre. J'attends. Non, pas du tout. J'attends. Vous attendez. Non, vous ne parlez pas du tout. Vous ne parlez pas trop. Monsieur Jobin, dans votre cas, vous, c'est pas une option là de placer votre conjointe ou vous l'accompagner tout le temps là. C'est même pas une idée que vous faites parce que ça fait partie de la réalité quand on est un proche aidant, qu'on le sache ou qu'on le sache pas, qu'on est proche aidant, ça fait partie de la réalité. Puis on doit l'entendre aussi autour de nous. Ben c'est-à-dire que ce qui arrive, c'est que les gens, d'abord la première des choses, ils ont de la misère à nous comprendre. Les gens ont de la misère à nous comprendre. Et c'est facile de nous dire, mais faites ci, faites ça. Mais ils ne l'ont pas vécu, fait qu'ils ne savent pas c'est quoi. Ils n'ont pas le même attachement pour la personne que vous. Non. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, il faut penser aussi que faut changer toutes nos attitudes face à tout ce que c'est qu'on faisait auparavant. C'est-à-dire? Si on s'occupait d'organismes quelconques, par exemple du bénévolat ailleurs ou qu'on faisait partie de différents organismes, faut penser que à abandonner un paquet de choses. Parce que faut se consacrer ailleurs. Là. Les priorités changent. Puis ça je dirais, c'est pas un choix qu'on fait. Mm-hmm. Ça nous est imposé, dans le fond, par la nature, dans le fond. C'est pas nous autres qui le veut, puis c'est pas la personne qui est malade qui le veut non plus. Est-ce que pour les gens autour, justement, eux voient pas ça comme un choix? Mais ils voient plus ça comme, ben regarde, fais le choix de placer la personne. C'est tout. Dans certains cas, ils vont dire c'est parce qu'on s'écoute. On s'écoute? Oui, on s'écoute. Parce qu'ils ne vivent pas, ils ne savent pas c'est quoi. Ceux qui n'ont jamais été malades ne peuvent pas comprendre une personne qui est malade. Mm-hmm. Hein? Ça demande plus de soins, demande plus de temps aussi, puis de patience. Faut passer dans une situation. Je vais pas couper Gérard, mais je dirais ce qu'il dit là est tellement important. C'est pour ça, tu te sens tellement pas écouté que tu t'isoles davantage. C'est ça. Tu te fermes aux autres. Mm-hmm. Pour te protéger. Ben, c'est ça, on se sent incompris, là, à un moment donné. On sait plus où se garrocher, comme on dit. On sait plus où aller chercher de l'aide. Heureusement que j'ai encore des membres de ma famille, comme on dit, qui nous donnent de l'aide, là, hein. Mais il reste quand même que, comme on dit, c'est du 24/24, là. Puis les demandes, là, vous, c'est un cas. C'est une situation que vous vivez, mais les demandes des aidants, comment on vit avec ça? Parce que, puis comment les aider se perçoivent eux-mêmes? Parce que je sais qu'il y a certaines situations où est-ce que, personnellement, j'ai entendu, je suis un fardeau. Je vous ralentis. Ça, c'est des choses qu'on entend. Je vais être un poids de plus. La personne aidée, quand elle est en pleine conscience, là, quand elle comprend qu'est-ce qu'elle vit, tout ça, qu'elle comprend sa situation, parce que là, il y a certaines situations, admettons comme l'Alzheimer, où est-ce que la personne n'est pas toujours au courant de ce que j'en comprends de cette avec maladie-là. Le temps. C'est ça, elle n'est pas toujours au courant avec le temps, comme je vous dis. C'est une autre situation complètement, ça. C'est ça, ça, c'est une autre situation. Ouais. Mais les gens, quand ils sont conscients, comment ils vous font vivre ça? Moi, si je prends mon cas en particulier, mon épouse, elle s'en rend pas compte, mais à un moment donné, elle devient très exigeante. Mm-hmm. Et il demande de quoi, là, puis c'est de suite, là, ça presse, là, hein? Bon, puis si on le fait pas pour des raisons quelconques, ça revient à charge, tant et aussi longtemps que c'est pas fait. Puis ouais, mais j'ai dit, tu me l'as demandé tantôt. Ben oui, mais ça recommence. Fait que tout ça, à un moment donné, ça ajoute tout sur le système, ça, ensemble, là. Oui. Ça ajoute au stress qu'on parlait, c'est vraiment le portrait type. Pratiquement de la personne malade selon l'étape où elle est rendue. Elle est comme dans une bulle et elle devient très exigeante et l'aidant s'épuise là-dedans. Je sais que le temps file, là, puis je voudrais aborder une chose. Avoir la chance de vous parler ce matin pour dire que le problème des aidants aussi, c'est qu'ils ne demandent pas d'aide. Mm-hmm. On dirait qu'on est encore par atavisme, on dirait qu'on n'a jamais assez fait, on a un sens des responsabilités hypertrophié jusqu'au point d'en crever quasiment, là. On pense qu'on est encore capable d'en prendre tout le temps. Puis là, ça, c'est démontré par des études qui viennent de sortir, là. Mm-hmm. Le proche aidant, là, c'est pas quand il commence à avoir soin de quelqu'un qu'il demande de l'aide. Il commence d'abord à vouloir tout organiser lui-même. Tout seul. Ensuite, quand il s'aperçoit qu'il est plus capable, il va aller auprès de sa famille. Mais on sait comment se passe la famille. La famille fuit aussi vite qu'il va faire auprès des amis. Mm-hmm. Quand il arrive au niveau du communautaire ou du réseau de la santé, ça fait peut-être déjà un 3-4 ans qu'il est aux prises avec des soins de proche aidant. Et nous, on travaille énormément pour rejoindre l'aidant en amont. Ouais. Dès que, si je veux laisser un message ce matin aux aidants, dès que vous voyez que vous êtes dans une situation où vous aidez quelqu'un, n'attendez pas d'être à bout de souffle et d'attendre aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu deviens tellement seul avec la personne, la relation devient tellement fusionnelle que ce n'est plus l'aidant qui décide. Non, c'est l'aidé. C'est l'aidé qui décide. Et là, c'est la maladie de l'aider. Mais l'aider vient qu'il. Le pouvoir, tu sais plus où est-ce qu'il est, le pouvoir décisionnel. Ouais. On dirait que l'aidant perd son libre arbitre. Et là, ça fait que l'aider ne veut pas accepter qu'une autre personne entre dans la relation pour venir apporter de l'aide. Mm-hmm. Nous, on donne des trucs, on donne des manières de fonctionner à l'aidant pour réussir. Ça aide beaucoup. S'il y a une ouverture de l'aider, tant mieux. Oui. S'il y a cette ouverture-là, mais s'il n'y en a pas, vous êtes capable de donner des conseils. De donner quand même des conseils pour réussir à offrir du répit. En chiffres, j'ai la page que j'ai une feuille que vous m'avez donnée. Remise-la. En chiffres, quand on parle des proches aidants qui se sentent désemparés, incompétents, peu soutenus, on en parlait, puis l'association des proches aidants est là pour aider. Il y a 63 % des proches aidants qui risquent de décéder, comme vous avez parlé tout à l'heure, dans les trois premières années. Oui. C'est alarmant. C'est alarmant, surtout si c'est un proche aidant qui est déjà fragile, puis plus âgé. Ce sont des statistiques que je n'invente pas. Mm. C'est la réalité. C'est très facile. Si vous travaillez, moi, je pose toujours la question parce que les gens que je rencontre, ils sont à peu près tous dans cette situation-là, comme Gérard. Est-ce possible de travailler 24 heures par jour, dormir à peu près 2-3 heures par moment sans sommeil profond et d'être en bonne santé pendant 50 ans? Alors, on sait que ça conduit à la maladie. Il n'y a jamais un sommeil profond de sommeil réparateur. Allez-y, M. Jobin. Moi, je viendrai sur l'affaire de répit. Si vous demandez aux gens c'est quoi du répit, je dirais il y a sans exagérer, je pense que peut-être 80 % des gens qui ne savent pas c'est quoi le répit. C'est important, ça. Ils se demandent c'est quoi le répit. Moi, personnellement, le premier, je me dis, je dois du répit. Mais quoi faire dans le répit? Comprenez-vous? Ah oui. Dans quel sens? je dirais, disons que... Mais le cerveau, les pensées continuent à rouler quand même aussi, même dans le répit? Bien, qu'est-ce qui arrive quand... Moi, je dirais, bien ça, disons qu'aujourd'hui, j'aurai une journée de répit, là. Hein? Mm-hmm. Bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais-tu m'en aller au centre d'achat? Tout seul? Je vais-tu m'en aller au théâtre? Tout seul? Mm-hmm. Je vais-tu rester à la maison? C'est quoi que je fais? Comprenez-vous? Là, c'est là qu'on... C'est, là, il y a un gros problème dans le sens de... Parce que là, vous êtes... Bien, on parlait tantôt d'isolement. On parlait qu'il y a de moins en moins de monde autour de nous. Fait que là, on ne sait plus quoi faire. C'est ça. Fait que là, comme on dit, je ne sais pas, moi, c'est peut-être une chose à repenser sur le répit. Comment est-ce qu'il pourrait être fait, disons, peut-être en groupe pour que les gens puissent vivre quelque chose ensemble. Je ne sais pas, moi, disons... Est-ce qu'il y a des groupes qui existent, des proches aidants qui puissent se rencontrer, qu'il y a des ateliers? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous êtes oui. au courant? Bien, oui. Nous, on offre beaucoup de conférences, mais ce que Gérard veut dire, puis je l'écoute là, ça, c'est quelque chose qu'on va sûrement améliorer. Pratiquement tous les organismes qui offrent du répit, on le sait ça. La personne est tellement habituée depuis 4-5 ans à être totalement en fusion avec la personne malade, alors... La retirer de ce mode de fonctionnement-là, parfois on lui dit, on essaie de leur conseiller, il y a une telle activité, où on lui dit, allez dormir, au moins vous récupérez, allez faire votre épicerie, calmement, allez manger toute seule au restaurant, quelque part où ça vous coûte pas trop cher. Mais des fois, je pense, M. Jobin, vous venez de le dire, vous avez besoin de parler aussi avec des gens autour. Vous avez besoin de rencontrer des gens. Ben, ils aussi. Ont des groupes à Portneuf, ils ont des soupers incroyables. 50 personnes pratiquement chaque mois. Ils se rencontrent, ils échangent beaucoup. Nous, on a des groupes de rencontres, on a des conférences. Oui. Et entre autres, je sais que le temps file, mais il a été question beaucoup de crédit d'impôt. C'est qu'on a... Il y a deux conférences cette semaine qui sont bien importantes là-dessus. La première a lieu au Centre communautaire Noël Brûlard. Tout savoir sur les crédits d'impôt, c'est offert par Revenu Québec. Monsieur Carignan, qui donne vraiment une très bonne conférence, appelez chez nous au 688, dans le 418-688-1511. Et toute personne qui ne peut se déplacer, vous avez... la même conférence qui va avoir lieu en février et appelez toujours chez nous puis on va vous dire où vous inscrire. Le 418-688-1511. Mais ce que je vais faire, je vais mettre tous les liens puis même les liens de votre page Facebook aussi où est-ce qu'il y a toutes les informations qui vous mènent aussi au site, tout ça. Donc, je vais placer ça sur la page, les différents en plus. En terminant, je sais, le temps file, il reste quelques minutes, allez-y. Oui. Moi, je voudrais, je vois que d'ici quelques années, pas très longues là, que le Québec, que les proches aidants qui sont la structure portante du réseau de la santé, qui sont des travailleurs invisibles, que la province tomberait quasiment si nous n'étions pas là pour aider, qu'on soit reconnus et qu'on sache qu'il y ait des services encore davantage développé, que le proche aidant sache où s'adresser s'il a besoin d'aide. Oui, que ce soit plus identifié aussi, parce qu'on ne sait pas, puis même au niveau, tantôt on parlait, des crédits d'impôt, on ne sait pas comment les... Là, c'est sûr et certain, un bon comptable, c'est pas mal la base là, pour nous aider. Mais ils ne le là, savent pas tous. Hein? C'est ah, OK. Ah oui? Vous me prenez ben, à court, c'est... Ça dépend, en tout cas, idéalement. Okay. Que, c'est pas le réflexe premier, mettons. C'est pas le premier réflexe. Et puis, ça dépend aussi où tu fais faire ton rapport d'impôt. Mm-hmm. Alors, que les gens nous appellent, on a une personne ressource qui est formée, un monsieur qui s'occupe de ça. Okay. Et c'est bénévole. Elle va répondre à toutes les questions. Mm-hmm. Si elles ont besoin de recevoir des crédits d'impôt, si elles sont capables d'en recevoir, c'est monsieur Pierre Bibeau. Alors, qu'ils appellent chez nous et il va les rappeler dans la semaine. En terminant, j'aimerais ça vous remercier, M. Jobin, Mme Gérard. J'aimerais ça vous remercier d'être passé à l'émission puis d'avoir pris le temps de parler parce que je sais que c'était pas évident pour vous, Mme Gérard, de m'aider à trouver quelqu'un, un proche aidant qui était libre ce matin pour venir nous parler. Puis, M. Gérard, c'est vraiment apprécié. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? de revenir à la santé. Oui. Ça, ça serait bien important, ça, capable parce de revenir. Parce que lui-même a des problèmes actuellement, oui. Parce que moi, je suis proche aidant, mais mon épouse est proche aidante envers moi. Ça fait qu'on est deux dans le même, dans le même bateau. Oui, bien, c'est ça. Là, elle est devenue proche aidante avec vous aussi. Bien, c'est ça. Mais ouais. Ce que vous dites est tellement important. Moi, cette semaine, j'ai fait je ne sais pas combien de téléphones. Je savais que Gérard serait capable de venir. Mais il a fait un effort inouï ce matin. Là, oui. Il est parti à 6 heures de chez lui pour être à temps. Mais les aidants que j'ai appelés ne pouvaient pas venir parce que les aidants, ils en ont au-dessus des oreilles. Au niveau des tâches à faire. Ouais. Alors, ils ne pouvaient pas laisser leur malade. C'est des infirmiers à temps plein, des préposés à temps plein, des parents à temps plein, toutes les tâches que vous pouvez imaginer d'aidant. Oui. C'est un travail à 24 heures sur 24. 24 heures, 7 jours par semaine, mm-hmm. 365 jours par année. Oui, moi aussi, je tiens à vous remercier de nous avoir invités. C'est un plaisir. Merci, puis vous repassez quand vous voulez. La porte est ouverte des différents. Bon, on va certainement en profiter. Merci beaucoup. Merci.